Je vous demande de vous arrêter. Tout d'un coup, vous dérapez dans la fureur. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Bienvenue au débat de... Merde ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Salut Jeff ! Salut Babou ! Salut tout le monde ! Bienvenue dans ce troisième épisode de Les débats de merde avec Jeff et Babou. Dans ce troisième épisode, Jeff, on va débattre sur le sujet... Je te laisse... Est-ce que les jeux vidéo rendent-ils violents ? Ouais. Les jeux vidéo. Je recommence. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents ? Et donc, la dernière fois, on a fait le tirage au sort. Jaff doit défendre la position du oui. Sachant que Jaff est un énorme geek et moi-même, nous sommes tous les deux d'énormes geeks. C'est faux. Je déteste les jeux vidéo. D'accord. tu te mets déjà dans ton personnage. Et moi, je défends le non. Le non. Il vaut mieux que je m'en rappelle si on veut réussir à... Ça vaut mieux, oui. Donc, on va procéder tout de suite au coin toss. Ouais. Donc c'est parti. 50 centimes ce coup-ci. On a augmenté le budget. Vu que je suis en position de ouais. Force. Vas-y, choisis. Face. Et c'est face. Donc c'est Jaff qui introduit et qui aura le premier argument. Donc pour l'introduction. J'introduis. C'est pas le premier. Oui, après le premier. Et après argument. Le. C'est parti pour l'introduction. Je démarre le minuteur 20 minutes et tes 2 minutes. Donc vous vous souvenez, d'abord on définit le sujet, donc je vais le définir selon mon point de vue, et ensuite Babou va le définir selon le sien. Ok, donc, je relance les 20 minutes. Non mais t'inquiète, de toute façon j'ai pas besoin des 2 minutes pour cela. Donc, par rapport, tout mon argumentaire va consister à dire que la pratique du jeu vidéo rend violent, mais en plus elle rend agressif, elle isole, elle frustre, et tous ces défauts combinés font que un joueur de jeux vidéo aura beaucoup plus de chances que la moyenne de devenir violent. Je citerai d'éminents psychologues sociaux qui ont travaillé sur la question, ainsi que des faits historiques de ces 20 dernières années qui ont montré que le jeu vidéo rendait violent. Ok, à mon tour. Donc, violent, c'est l'emportement, c'est la brutalité envers quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui, il y a ce débat de les jeux vidéo, est-ce que ça rend violent ? Selon les derniers événements, c'est souvent autour des histoires de mass shooting aux États-Unis, où ce terroriste en Norvège qui a tué plus de 40 jeunes sur l'île un peu là du bonheur. Et en fait, on associe ces personnes à des joueurs de jeux vidéo et on associe le jeu vidéo comme catalyseur de leur violence et comme facilitateur pour aller vers cette violence. Là où en fait on fait un raccourci parce que le jeu vidéo n'est pas un catalyseur. Effectivement, si on va online, on va voir des joueurs qui vont s'insulter, se crier dessus. Mais en fait, ça, c'est un comportement qu'on va retrouver dans d'autres environnements, dans le sport. Dans le sport, on a des têtes de cons qui vont mal se comporter, qui vont également provoquer, insulter. Au hand, on en voit beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des cartons rouges. Donc là où les gens font une erreur, c'est qu'ils considèrent le jeu vidéo comme catalyseur, mais en fait, le jeu vidéo, c'est juste un environnement où on peut voir des comportements violents, mais ce n'est pas ce qui va déclencher ces comportements violents, et ce sont des personnes qui sont violentes à la base, qui vont se comporter violemment dans l'environnement du jeu vidéo, comme on peut le voir dans d'autres environnements, dans le sport, dans les débats télévisuels ou dans plein d'autres choses. Voilà pour mon introduction. Jaff, je te laisse le premier argument. Merci mon cher confrère. Et je commencerai par l'essence du jeu vidéo. Les jeux vidéo sont naturellement violents. Les FPS, Quake, Doom, Call of Duty, Enemy Territory, Unreal Tournament, ne sont que des jeux à la première personne où on utilise souvent des armes à feu pour tuer des gens. Encore, encore et encore. Les jeux stratégie sont des tueries de masse où on extermine une autre civilisation. Les jeux de gestion sont une lutte de classe où on écrase les autres pour leur prendre l'argent. Les jeux de sport, de management sont une utilisation des sportifs comme des outils, comme la réalité. Enfin, je finirai avec les RPG et les hack and slash qui sont des tueries de masse de créatures imaginaires. À chaque fois que vous tuez des elfes, des gobelins, des orques par milliers, encore une fois, c'est une extermination de la civilisation. Donc, par essence, les jeux vidéo sont violents. Ok, donc en fait, par essence, les jeux vidéo sont violents, mais à aucun moment ça prouve que ça va rendre les gens violents. En plus, là, tu cites pas mal de jeux vidéo, mais donc tu cites les FPS, tu cites des jeux où justement on va se tuer. mais t'évites largement de citer des jeux comme Overcooked, où en fait on va juste en coopération essayer de cuisiner un super plat pour des clients, et tous ces jeux de gestion un peu sympas où on va construire des hôpitaux, etc. En termes de misère intellectuelle, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait citer, mais il y a peut-être un truc là-dessus. Par rapport à ça, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on se base, comme je disais, sur des cas isolés pour dire que ça rend violent. Le Norvégien, là, ou les mass shootings. En fait, aujourd'hui, la statistique sociale, c'est qu'il y a 90% des jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Donc en fait, on peut pas prendre ces deux exemples-là super isolés pour dire que le jeu vidéo, ça rend violent. Sinon, en fait, il y aurait 90% des jeunes aujourd'hui qui seraient violents. Et d'ailleurs, en fait, souvent, les études se focusent sur les adolescents, alors que la moyenne d'âge des joueurs, c'est 34 ans. Et souvent, on se focus sur des hommes, alors qu'en fait, il y a 48% des joueurs qui sont des femmes. Et du coup, essayer de dire que le jeu vidéo, ça rend violent, parce qu'on prend en exemple ces deux cas, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo, voilà encore un exemple de raccourci que les gens font quand ils disent que le jeu vidéo rend violent. À toi. Alors, comme tu dis, Overcooked, Team Hospital sont des jeux sympas. Mais dans Overcooked, on exploite les cuisiniers à une cadence infernale. Dans Team Hospital, on exploite les employés et on exploite surtout les patients en leur faisant cracher des tarifs exorbitants. C'est une violente classe, encore une fois. Mais surtout, ils représentent très très peu de l'offre globale du jeu vidéo. La plupart des jeux vidéo, c'est tuer ou être tué. Mais passons ça de côté. Revenons aux tueries de masse. Donc, quelques exemples. Earth High School en 1997. Michael Carnill tue 3 étudiants, il joue aux jeux vidéo. Columbine en 1999. Eric Harris et Dylan Klebold jouent à Quake et à Doom. Anders Breivik en 2011 a clamé s'être entraîné sur Call of Duty. Sandy Hook en 2012, il joue aux jeux vidéo. Et la tuerie de Aurora Cinema. James Holmes joue aussi aux jeux vidéo, comme de par hasard. Comme par hasard, jour de restaurant avec Marie-Joëlle. Alors, à chaque fois, quand c'est... Dans cette... Vas-y. Comme de par hasard, à chaque fois dans... Regarde pas ma tête, tu veux pas pouvoir te concentrer. Comme de par hasard, à chaque fois dans cette tuerie, on retrouve des mecs qui jouaient à des jeux vidéo. Et même si on dit « Oui, mais il y a 90% de jeunes qui jouent aux jeux vidéo, et qu'il n'y en a que 1% qui tue, c'est pas la faute du jeu vidéo. » Oui, mais peut-être que ça l'est. Et ce chiffre n'est pas acceptable. Car qu'est-ce que ça apporte les jeux vidéo? En rien. Rien, juste tu t'enfermes sur ta télé tout seul, tu n'as pas d'interaction sociale, tu ne développes pas de capacité motrice, tu es juste tout seul dans le noir et ça renforce ta solitude. Et de ce fait, l'exception n'est pas acceptable. Merci. Du coup, moi l'autre jour j'ai fait un don à la Croix-Rouge et je joue aux jeux vidéo. Quelle coïncidence! Toi, t'es bénévole et t'entraînes gratuitement 60 mecs au hand. Tu prends sur ton temps pour les accompagner, les aider à se développer, à avoir une activité, à créer des amitiés. Donc plein de bénéfices pour la société. Oh! Bah tu joues aux jeux vidéo, c'est incroyable ça. Et en plus je vais revenir sur ce que tu disais sur justement Breivik, le tueur norvégien, qui s'entraînait sur Call of Duty. Alors ça je l'ai vu et ça m'a vraiment fait rire. En fait l'essence même du jeu vidéo, c'est de pouvoir réaliser des choses que tu pourrais pas faire dans la réalité, parce que t'as pas les compétences ou juste parce que ça n'existe pas. Donc en fait, dire que le mec s'est entraîné sur Call of Duty, ça n'a aucun sens. Les champions de Guitar Hero aujourd'hui, ce ne sont pas des stars du rock'n'roll qui font des scènes et qui jouent de la guitare comme des tas. Et ensuite, ce qui était marrant, ce que tu disais, c'est qu'il n'y a aucune interaction sociale, alors qu'en fait, on voit qu'avec les jeux vidéo online, il y a des gens qui se rencontrent, il y a des gens qui deviennent amis, et tu as ces interactions sociales-là. Et en plus, tu as dit que tu ne développes rien. Tu ne développes pas de compétences, tu n'es pas moteur. En fait, il y a beaucoup d'études qui montre que en fait, jouer aux jeux vidéo favorise le développement cognitif, favorise le développement de compétences. Mais bon, là, tu essayes de m'entraîner sur un autre terrain. Et moi, je vais revenir au sujet. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Et en fait, on peut s'intéresser aux études. Donc là, il ne me reste que 15 secondes. Donc je reviendrai sur les études dans mon prochain argument et je te laisse la main. Alors, pour répondre à ton premier argument, en te prenant pour toi, par exemple, et pour moi, par exemple, déjà, je ne joue plus aux jeux vidéo depuis que j'ai fait toutes ces découvertes. Ensuite, nous sommes des êtres exceptionnels. Alors qu'une partie de la population est une population faible d'esprit, qui est facilement influençable, facilement influencée par la violence dans les jeux vidéo. Facilement influençable et facilement influencé par la violence dans les jeux vidéo et qui du coup a un risque de devenir violent en jouant ceci. Et ensuite tu disais qu'on ne peut pas s'entraîner en jouant aux jeux vidéo à faire des actes de violence. Je ne voulais pas mettre ce point là par respect pour les morts, mais l'attentat des Twin Tower, il y a des suspicions comme quoi ils se seraient entraînés sur les simulateurs de vol. Donc faisons attention. Enfin, tu parlais d'études. Oui, je vais enfin en apporter une parce que toi tu ne fais pas cet effort là. Laurent Beg, un éminent psychologue social, a fait une étude à l'université de Grenoble, où il a démontré l'agressivité des joueurs de jeux vidéo. Dans un premier, donc il a fait jouer un groupe, il a pris un groupe test qu'il n'avait pas joué, il leur a dit « Ah, voici l'histoire, imaginez la fin. » Et à chaque fois, les joueurs de jeux vidéo ont imaginé une fin plus violente que les non-joueurs de jeux vidéo. Ça prouve la violence quand tu as joué, que juste après avoir joué aux jeux vidéo, ton agressivité monte. Il a fait un deuxième test où ils jouaient un jeu compétitif les uns contre les autres. Ils pouvaient se punir à la fin avec une sanction sonore. Et ceux qui avaient joué aux jeux vidéo étaient plus sévères avec leurs opposants que ceux qui n'avaient pas joué aux jeux vidéo. Laurent Beg a donc démontré que les joueurs de jeux vidéo sont plus agressifs et plus violents. Donc juste pour revenir sur Flight Simulator, donc en fait les mecs sont juste entraînés à piloter un avion, ils sont pas entraînés à tuer des gens, voilà. dans ton étude, en fait, ce qui est intéressant, c'est sur la première partie, tu dis les joueurs de jeux vidéo, ils ont imaginé des fins plus violentes. En fait, en quoi c'est un comportement agressif d'imaginer des histoires plus violentes? Est-ce que le J.R. Tolkien, quand il a écrit Le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est un taré qui est super violent. Donc c'est, et du coup, ça me permet de faire la transition sur justement ce que je voulais dire sur les études. Donc j'ai regardé, il y a quand même pas mal d'études. La plupart disent quand même qu'on ne trouve aucune corrélation entre les jeux vidéo et le fait que ça rende les gens violents. Et puis il y en a certaines qui défendent ce point de vue. Donc j'ai réussi à en trouver quelques-unes, mais elles sont beaucoup moindres. Et là, ce qui était intéressant, c'est que c'est une étude de Hull en 2014. Et au final, encore une fois, les raccourcis des journalistes, c'est tu vas sur la page, c'est écrit une étude démontre que les jeux vidéo rendent agressifs. Et en fait, la conclusion de Hull en 2014, c'est en fait, ils n'ont aucune preuve que ça montre que ça entraîne des comportements hors la loi ou violents, mais par contre, ça entraîne des comportements néfastes. Et alors, attention, accrochez-vous pour les comportements néfastes: beuverie, tabagisme, conduite dangereuse et sexe non protégé. Donc voilà la conclusion d'à peu près l'une des seules études que j'ai trouvées où, encore une fois, on avait fait le raccourci pour dire ça rend violent. Et un autre problème que j'ai avec les études, en fait, c'est souvent la méthode qui est utilisée. Parce que la méthode, c'est qu'ils vont prendre plein de gamins, ils vont regarder qui joue aux jeux vidéo et qui est puni, qui va plus souvent chez le dirlo pour des comportements agressifs. Et en fait, ils prennent absolument pas en compte tout l'environnement autour de l'enfant, son foyer, etc., qui peuvent influencer son comportement. C'est à toi. Attends, du coup, tu dis dans l'étude que c'est ceux qui jouent aux jeux vidéo qui avaient plus de chances de faire du sexe non protégé, de conduire dangereusement. Ouais. Bravo. Et du coup, on est d'accord que ça, c'est lié à la violence. Et bref, tu as creusé ta propre tombe. Ensuite, je voudrais revenir à la frustration que l'on ressent quand on joue aux jeux vidéo. On a tous vu des petits-enfants très mignons d'apparence qui tout de suite se transformaient en bêtes furieuses quand ils jouaient aux jeux vidéo et qu'ils étaient frustrés car ils perdaient ou que le jeu vidéo n'allait pas dans leur sens. Et je vais prendre ici en exemple le fameux jeu League of Legends, donc le MOBA qui a dû rapporter le plus de thunes dans ces dernières années et qui est, je pense, le plus gros succès vidéoludique quasiment jamais connu, enfin, ou au moins dans le top 5, et qui connaît un énorme problème par rapport à l'agressivité des joueurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du 5 contre 5, il y a un chat in-game où on peut se donner des directives, sauf que c'est vachement utilisé pour s'insulter. Et ils ont énormément de problèmes d'insultes, de flame et de trolling. Et ils sont arrivés à un tel point qu'ils ont imaginé des systèmes pour reporter les autres, pour balancer les autres, pour faire des tribunaux. Ils ont embauché des psychologues exprès pour ça. Et donc c'est énormément d'argent pour une cause perdue, parce que l'être humain n'est pas fait pour jouer aux jeux vidéo, parce que ça le rend violent. Je pense qu'à ce point de vue-là, on peut comparer le jeu vidéo aux armes à feu. Il ne devrait pas y avoir d'armes à feu dans une société comme il ne devrait pas avoir de jeux vidéo dans une société. À toi. C'est marrant parce que d'habitude, les défenseurs de cette théorie justement disent le problème, c'est pas les armes à feu, c'est les jeux vidéo. Ça va, t'es pas complètement passé du côté obscur de la force. Donc, je vais reprendre par rapport à ce que tu disais sur League of Legends. Et finalement, ça rejoint ce que j'ai dit en introduction. C'est que le jeu vidéo n'est pas catalyseur des comportements violents. En fait, c'est un environnement où les gens vont se comporter de manière violente. Et dans la communauté, il y a beaucoup de gens aussi qui jouent tout à fait normalement, sans insulter tout le monde. Et en fait, quand tu vas aller sur les terrains de foot, quand moi je jouais quand j'étais petit, sur les terrains de foot avec des enfants de 10 ans qui jouent, il va y avoir ces mêmes comportements d'insultes, de se cracher dessus, de se battre. Et en fait, c'est des comportements humains qu'on va voir partout. Et après, dans le milieu du jeu vidéo, ça peut être décuplé, mais en fait, c'est pas parce que c'est des jeux vidéo. C'est juste qu'on retrouve aujourd'hui sur Facebook, sur YouTube, et en fait, avec tout ce bashing maintenant qu'on peut faire sur Internet, avec des commentaires violents, du harcèlement par Internet, parce qu'on est caché derrière un écran, parce qu'on n'est pas là physiquement, et parce que du coup, on a une fausse identité ou une identité cachée qui nous permet un peu de nous libérer. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est pas dû aux jeux vidéo, et c'est quelque chose qu'on va retrouver sur Facebook, sur Twitter. Et donc, encore une fois, c'est pas le jeu vidéo qui rend violent, c'est juste un environnement où des gens violents vont se comporter violemment. Voilà, à toi. Tu as bien fait de parler du foot, parce que c'est aussi une activité qu'il faudrait réformer en masse, voire supprimer, vu le non-respect des arbitres et de l'adversaire qu'il y a. Il y a ainsi régulièrement des faits de violence. Encore hier, Nîmes, Marseille, plusieurs fois, les joueurs sont allés agresser l'arbitre en se mettant assis sur lui et en lui parlant de manière très virulente, et c'est pour ça qu'il leur a mis des cartons jaunes. Et ces joueurs donnent de mauvais exemples aux joueurs en départemental, et c'est pour ça qu'il y a régulièrement le week-end des actes de violence en départemental au foot. Alors qu'au rugby, on ne voit pas autant de violence et autant de non-respect envers l'arbitre. C'est pour ça qu'au même titre que le foot, les jeux vidéo devraient être supprimés ou réformés. Mais avançons. Il y a un célèbre forum qui s'appelle le forum jeuxvideo.com, et plus particulièrement le forum 1825, qui se retrouve et qui, à la base, ont la même passion du jeu vidéo. Or, ce forum a été mis en cause dans des affaires judiciaires à de multiples reprises. C'est, par exemple, ils ont harcelé Nadia Adam, ça s'est fini en justice, la journaliste de Europe 1. Ils ont harcelé la ville de Issou. Ils ont renommé toutes les rues selon leur petit délire, genre l'église de la Chancla, la rue Issou, et ainsi de suite, en mettant des reviews Google. Et ils ont été tellement nombreux qu'ils ont réussi à changer le nom des rues. Ils ont spammé la mairie de Issou en les appelant toutes les 10 minutes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est donc un repère de vermine. C'est donc un repère de vermine. Qui n'a pour but que de nuire. Or, on n'a jamais vu ça sur un forum d'automobile, on n'a jamais vu ça sur un forum de fitness, on n'a jamais vu ça sur un forum de ménage. Il y a juste le forum de jeux vidéo qui sont rentrés tristement dans l'histoire en se faisant poursuivre en justice. Ligue du LOL. Ligue du LOL, c'est pas des mecs qui jouent aux jeux vidéo, c'est des mecs qui ont été complètement horribles avec beaucoup de gens et qui ont fait, encore une fois, du troll internet. Et en fait, t'as beaucoup de communautés qui font du troll internet sans aucun rapport avec le jeu vidéo. En plus, là, on parle d'un forum où il y a certains joueurs de jeux vidéo qui sont comportés comme ça, mais encore une fois, on parle pas de toute la population de joueurs de jeux vidéo. Et la corrélation de dire ces mecs-là comme ils jouent aux jeux vidéo, ben ils sont comportés comme ça, en fait, c'est encore une fois un raccourci. Et je rappelle, 90% des jeunes aujourd'hui jouent aux jeux vidéo, et en fait, ce forum ne contient pas ces 90% de personnes. Et donc aujourd'hui, dire que le jeu vidéo rend violent et te fait changer les noms des rues de la ville de Issou, c'est un énorme raccourci. Et donc moi je terminerai, parce qu'on a bientôt fini, en fait je terminerai par dire qu'en plus on n'a pas cette même hype sur les autres médias. Et c'est ça qui est intéressant. En fait on se pose beaucoup la question sur le jeu vidéo, mais finalement on regarde pas trop l'industrie du cinéma, de la télé, ou même des livres. Alors qu'il y a des mecs qui lisent Mein Kampf, et en fait ça les endoctrine, et ça les pousse à des actes. Et en fait on s'intéresse aux jeux vidéo et sans regarder le ciné ou la télé, où justement tu vas voir des trucs extrêmement violents, où sur internet tu peux trouver des contenus de mecs qui font tu peux trouver justement le truc que le Norvégien a publié, où c'était un peu son combat et sa doctrine, et il y a d'autres gars qui sont inspirés. Il me semble que le mec qui, en Australie aussi, qui a fait un truc récemment, il avait lu des trucs sur internet. Donc c'est marrant, en fait, on se concentre sur les jeux vidéo, on regarde pas ces autres trucs là. C'est parce que les jeux vidéo, on les joue sans esprit critique. Quand on lit, on a un esprit critique, on réfléchit. Quand on regarde un film, on a un esprit critique et on ressent des émotions. Les jeux vidéo, c'est juste de l'aboutissement parce qu'on est passif sur le jeu vidéo. Et enfin, ils sont tellement prenants qu'ils rendent addicts. Et quand on a une grande ville avec une grande population de joueurs de jeux vidéo, donc il s'est recensé en France 37 millions de joueurs de jeux vidéo. Il y a autant de risques que quelqu'un devienne violent. Ok, donc le temps est terminé, donc c'est fini pour ce débat. Sur cet excellent argument de Alexandre Jaffari. Oh putain, c'était dur. Hein. Bah, j'ai bien kiffé le fait que tu aies pris cette position de dire je m'en fous, j'y vais à fond, et je rentre dans le rôle du truc, et c'est marrant. Mais tu sais que Laurent Bug, il a vraiment fait des études comme ça pétées. Ouais. Elles sont nulles à chier, ces études. Je les ai toutes lues, c'est de la merde. Mais en fait, c'est ouf, parce que vraiment, là, toutes les études que j'ai lues, je trouve qu'il y a un vrai problème de méthodologie, parce que souvent, c'est on prend une population de jeunes, on regarde ceux qui jouent aux jeux vidéo, ceux qui jouent pas aux jeux vidéo, puis on regarde s'ils sont agressifs. Et en fait, à aucun moment, les mecs regardent l'environnement social du jeune, parce que ça se trouve, en fait, tu peux être violent et jouer aux jeux vidéo, mais ça se trouve, en fait, le jeu vidéo, pour toi, c'est un truc où tu vas te réfugier, parce que dans ta vie, je sais pas, ton père te bat, des trucs comme ça. Et les mecs font pas du tout attention à ça. Et en fait, même les études qui disent que le jeu vidéo ne rend pas violent, je les trouve complètement pétées, et c'est un truc de ouf. Et puis souvent, ils se concentrent sur un jeu, tu vois. Ils vont prendre Call of Duty, ou ils vont prendre, et au lieu de regarder un truc global. Donc j'étais extrêmement déçu, en fait, de la pauvreté, finalement, de réponses qu'on peut apporter à cette question. En fait, je pense que doit y avoir un... Je sais pas, c'est une hypothèse. Pareil que toi, j'ai eu la même sensation en lisant les études. Je pense qu'il y a des bourses qui sont allouées à l'étude des jeux vidéo. Et les mecs, ils se ruent dessus pour choper le fric, parce que la recherche universitaire, c'est dur. Et ils y connaissent rien, ils prennent le jeu connu qui va attirer le plus de vues, le plus de notoriété scientifique. Et ensuite, ils font cette erreur méthodologique, comme tu dis, où ils vont prendre que ce facteur-là, donc la violence, sans aller voir autour. Parce qu'en fait, la violence, ça peut être lié à plein de facteurs. Genre, par exemple, ça me fait penser, j'avais lu un bouquin sur les stats il y a longtemps, et qui avait montré que... Il y avait un quartier aux États-Unis, la violence avait baissé à partir du moment où ils avaient mis un programme d'avortement et de sensibilisation aux préservatifs. Parce qu'en fait, vu qu'il y avait moins de grossesses non désirées, donc d'enfants non désirés qui allaient grandir dans un environnement social assez pauvre, et où ils allaient être peu, comment dire, comment on dit, on va moins s'occuper d'eux. On allait moins s'occuper d'eux. Bah, ils avaient plus, quand tu nais dans ces conditions, tu as plus de chances de devenir violent et de mal tourner que si tu nais dans un environnement social plus sain et plus avantageux. Ouais. Et du coup, en 20 ans, il y avait une baisse de la violence comme ça, quoi. Et ça, c'était fou. Bah, un vrai truc constaté, en fait, c'est ça. Les études... Bah, je sais pas, après, je suis pas scientifique, mais effectivement, je pense que si on voulait vraiment répondre à cette question, mais en fait, je trouve que c'est... cette question, elle est, au final, elle est débile parce que, comme on dit, en fait, la violence, c'est plein de facteurs, c'est l'environnement. Donc, s'arrêter à dire que les jeux vidéo rendent violents, pour moi, le débat, il est extrêmement réduit, c'est un énorme raccourci. Et c'est trop drôle que, du coup, justement, on le prenne à part des autres médias du ciné. Ouais. En fait, même, il faudrait juste faire une étude sur l'ensemble des médias. Donc, bon, au final, quand j'ai recherché sur ce sujet-là, je me suis dit, mais en fait, la question est complètement conne. Quoi. Mais, parce qu'ils n'arrivent pas à isoler le facteur, en fait. Ouais. Comme pour la prévention des... Enfin, l'utilisation des capotes et l'introduction des IVG, ils avaient réussi à isoler ce facteur-là, mais dans les jeux vidéo, ils n'ont jamais réussi à isoler le facteur, en fait. C'est tout le problème. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, ce que je trouve que tu dis par rapport aux autres médias, c'est que je pense que les romans, enfin la littérature, le cinéma et d'autres médias ont gagné des lettres de noblesse avec des créateurs de ces médias qui sont rentrés dans l'élite, alors que dans les jeux vidéo, je pense qu'il n'y a pas encore de créateurs de jeux vidéo qui sont rentrés dans l'élite, quoi. Ouais, c'est clair. À la rigueur, celui qui est rentré dans la Jet Set américaine, tu sais, c'était le créateur de Minecraft. Ah ouais ? Ouais, il a connu une grosse dépression parce que le mec... il était dans sa chambre, il créait son jeu, il est devenu très très très riche, il a fait des soirées de jet set et là il a dit ouais mais je suis décalé par rapport à eux et il s'est jamais senti accepté je crois. Mais en plus bon, au final intégrer la jet set, t'es dans une élite mais t'es pas dans la bonne, celle qui fait bonne image sur ton art ou ton média. Moi j'aurais pensé à Kojima, le gars qui fait Metal Gear, même si moi je déteste ces jeux, mais... ce mec est quand même... Mais après c'est parce que je joue aux jeux vidéo donc je sais pas si les gens qui jouent pas le connaissent, mais... il a quand même une certaine renommée parce que, tu vois, son dernier jeu, Death Stranding, j'ai l'impression que tout le monde en parle. Et parce que le mec, il, même si pour moi c'est trop perché, il essaye de vraiment faire raconter des histoires, aller chercher des trucs différents dans son gameplay. Et du coup, il l'aborde vraiment comme un art et j'ai l'impression qu'il est un peu respecté comme ça. Mais, le problème, c'est que je suis dans les jeux vidéo et en fait, ouais. je sais pas répondre pour des gens qui jouent jamais. Quoi. Bah, je sais pas parce que... En fait, tu sais, il y a les jeux vidéo comme ça, et en fait, ils sont très peu joués. Donc, tu vois, là, les 37 millions, c'est une étude. Tu tapes le nombre de joueurs en France, et il y a un article de Clubic qui part en premier. Et, là, on dirait que le chiffre est sorti du cul, quoi. Je vois pas comment il peut y avoir 37 millions de joueurs de jeux vidéo. Bah, en fait, maintenant, ils prennent les gars qui jouent sur leur smartphone. Mais, même en prenant tout, ça me semble fou, en fait, 37 millions. Bah, 90%, enfin, moi, j'ai halluciné. Hein. Ouais. Et il disait. Dans les études, une des études que j'ai regardées où ils disaient qu'ils n'ont pas trouvé de corrélation là, avec la violence, ils disaient en fait ils prennent des jeunes Anglais et en fait dedans ils disent dans les jeunes Anglais il y a deux tiers des garçons qui jouent et il y a la moitié des nanas qui jouent, ça fait quand même beaucoup de monde au final, tu vois. Mais si tu prends Candy Crush, que tu prends tout, en fait finalement moi ça me semble pas. Possible. Le nombre de gens, parce qu'à mon avis ils prennent même des trucs, c'est genre quand tu joues Scrabble sur ton téléphone, quoi. Ah, ça, ma mère elle joue à ça. Ouais, t'as raison, ça doit être ça. Et du coup, Kojima, je vois pas comment il peut être respecté d'un point de vue médiatique dans l'élite, parce qu'en fait les joueurs des jeux de Kojima, donc Metal Gear Solid, c'est très restreint, tu vois ça. Mais je sais pas, en même temps il est vachement connu le gars, tu vois. Je sais pas, moi je vois pas. Enfin tu sais, en faisant les recherches, je suis tombé sur. La chronique, j'ai plus le nom de la femme qui fait cette chronique sur France Inter, et c'est dans l'émission de Nagui, et l'invité c'était Lorman Oudou. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Non, pas du tout. Mais c'est un truc de ouf, la journaliste elle essaye de faire sa chronique, tu vois, et franchement elle est bien, tu vois, elle essaye d'être objective, je pense pas que c'est... Elle disait qu'elle jouait quand elle était jeune, mais qu'elle joue plus. Elle essaye de se faire sa chronique, et Nagui se comporte... un énorme connard, quoi. Ouais. Il est méprisant. Tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah ouais, mais les jeux, tu t'enfermes. Quand tu joues, t'as pas d'amis, gnagnagna, tout comme ça. Et Lorman Oudou, c'était avant l'affaire, je sais pas si tu te souviens, où elle a supprimé son Twitter. Ça me dit un truc, quoi. Parce qu'il y a eu des photos de nus ou des trucs comme ça. Ah, il y a eu ça, mais c'est pas ça qui lui a fait faire. Non, ce qui lui a fait fermer son Twitter, c'est les jeux vidéo. Parce qu'il y a eu la tuerie avec Mohamed Merah à Toulouse. Ouais. Et elle dit, supprimer les jeux vidéo, il n'y aura plus de tuerie, en plus si tu es des juifs. Voilà, tu sais, la meuf, elle a mis trois mots magiques à côté, et là, elle s'est faite incendier sur Twitter, et c'est comme ça qu'elle a fermé son compte Twitter. Mais ouais, je pense qu'il y a, en fait, ils le disent, la moyenne d'âge, elle a 34 ans. Et parce que finalement, c'est un phénomène assez récent, et je pense que dans les années à venir, le jeu vidéo, je trouve qu'il est en train de gagner de plus en plus de lettres de noblesse avec certains titres où les mecs ils vont chercher clairement l'art, quoi. Et moi, quand j'y joue, moi, je me dis, bon, putain, ça me fait chier. Parce que je veux du gameplay, je veux des trucs. Mais il y a des jeux où, franchement, t'as une histoire de dingue qui peut rivaliser des histoires de films ou de bouquins. Et à côté de ça, ben, comme t'as le côté interaction et que t'as plein de marge de manœuvre pour faire des gameplays différents et des interactions différentes. Enfin, moi, je pense, par exemple, tu t'as joué à Braid. C'était le petit bonhomme. Le petit bonhomme. Le mec, il a fait ça tout seul. Ouais. Il a fait ça tout seul. Enfin, c'est un jeu de dingue avec une histoire vraiment sympa. Et bon, bref, tout ça pour dire, j'ai l'impression que plus ça va aller, plus quand même le jeu vidéo va être respecté et va vraiment être identifié comme un art à part entière, quoi. En plus, Braid, c'est vieux, mine de rien, ça a déjà 8 ans. C'est super vieux. Super vieux. Non, mais je suis d'accord. Parce qu'en fait, déjà, moi, je trouve aujourd'hui, que ce soit le jeu de société ou le jeu vidéo, si tu dis j'aime pas le jeu vidéo, j'aime pas le jeu de société, c'est que, un, t'as pas fait l'effort de tout tester. C'est comme les séries, c'est comme les livres. T'as tellement d'expériences différentes que tu peux vivre en jouant ou en lisant ou en regardant que c'est quasiment impossible de dire je n'aime pas jouer parce qu'en fait, t'as plein de portes d'entrée. En fait, t'as le RPG, t'as le jeu de stratégie, t'as le jeu de gestion, t'as le FPS. Et comme tu dis, de plus en plus, ils deviennent très forts, les mecs. Et en plus, je pense qu'on est au début, toi. On est à l'âge de pierre du jeu vidéo et du jeu de société. Et il y a des mecs qui vont arriver, ils vont révolutionner ça, ils vont nous faire vivre encore plus d'expériences. Et ce sera impossible de dire j'aime pas. Bah, ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Après, il y a des gens, ils peuvent ne pas aimer, mais c'est vrai que dire j'aime pas sans avoir essayé, c'est complètement con. Surtout que j'ai beaucoup de gens qui me disent ouais, moi, je joue pas trop aux jeux vidéo, je joue pas trop aux jeux. Et puis, je leur fais tester. Un de mes jeux société où je leur fais tester un jeu vidéo, mais là on parle pas de Call of Duty, quoi. C'est Overcooked qui arrive à plaire parce que c'est simple et en fait et c'est sympa. T'es pas en compétition, t'es en coopération, tu trouves encore le moyen de t'engueuler, mais bon. Et du coup, comme tu dis, en fait il y a toujours un truc qui peut plaire à quelqu'un. On s'arrête là, ouais. On a bien divergé, mais c'est intéressant, je trouve, oui, de faire ce petit débrief. Attends, je sais plus si j'avais un autre truc à dire. Non, c'est bon, ouais. Bah du coup on va choisir le prochain sujet et puis on va faire le tirage au sort. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Ok, donc on est de retour après avoir choisi le prochain sujet, pardon. Mais avant ça, on voulait revenir sur les moisissures argumentatives parce que Jaf s'est fait plaisir ce coup-ci. Et du coup je te laisse présenter, Jaf. Alors, celle que j'ai majoritairement utilisée pour ce débat, ça a été le déshonneur par association, et qui s'appelle en latin « Reductio ad Hitlerum ». Hitler ? Bah, je pense que c'est lié, ouais. J'ai pas cherché, par contre. Et du coup, en fait, donc, cette méthode, c'est de comparer l'interlocuteur ou ses positions à une situation ou un personnage servant de repoussoir. Donc, si tu as été attentif ou attentive, tu as pu voir que... j'ai utilisé la réputation sulfureuse de jeuxvideo.com pour servir d'argument. J'ai utilisé la réputation plus que sulfureuse des tueurs en série pour servir d'argument. Donc là, le site dont nous avions parlé la dernière fois, donc c'est cortex.org. Il donne comme exemple, tu critiques la psychanalyse comme Jean-Marie Le Pen. Tu donnes la parole à quelqu'un qui défend la liberté d'expression, même pour des négationnistes. Alors, il est négationniste. Et toi, tu es crypto-négationniste. Ouais, celui-là, il est chaud. Ok. Je comprends plus facilement le deuxième. Comme Jean-Marie Le Pen. Ah, c'est ça. Voilà. Et du coup, en fait, donc, quand vous argumentez, que vous discutez avec vos proches, si vous voyez que vous ou votre interlocuteur essaye de ridiculiser votre position en l'associant à quelqu'un ou quelque chose de sulfureux, bah, son argument perd en crédibilité. Il fait du déshonneur par association. Voilà. Moi, j'ai fait de l'honneur par association. En utilisant comme exemple nous deux. Toi et moi-même. Le truc qui était complètement démago ou je sais pas quoi. C'est clair. Bon, du coup, pour le prochain, en fait, on a choisi comme sujet... Ah oui, vaut mieux-t-il acheter de la marque ou non ? Exactement. Et donc là, on va procéder au tirage au sort. Ouais. Pour savoir qui défend quelqu'un. Ce sera toi de tirer au sort. C'est parti. On lance la super roulette. Et je défendrai donc le oui. Je vais devoir dire que oui, il vaut mieux acheter de la marque. Et je défendrai le non, il ne faut pas acheter de la marque. Ah, j'ai pas de position pour l'instant. Enfin, comme ça, je dirais que ah non, ouais non, vaut mieux pas acheter de la marque. Enfin, ouais. Mais peut-être que je vais trouver des arguments intéressants. Je pense que ça se trouve, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Voilà, je pense que ça va être cool. Bon, bah, c'est tout pour nous. C'est tout pour nous. Et du coup, on vous laisse et on vous revoit. Bah, on va encore dire deux semaines. Ce coup-ci, on les a tenus, mais... Bah, je crois pas. Le temps que je monte et tout ça... Ouais, mais on a publié le truc hier, au final. Ouais, enfin bref. Ouais. On vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. C'est mon ami, bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Venu de la Floride et ancienne jungle, c'est le plus gentil de tous les animaux. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami, bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu. Nous allons, les gens sont sidérés de se trouver nez à nez avec un grand dino. Depuis la nuit des temps jusque sous les projecteurs, il met dans notre vie un peu plus de